Quelque chose, hein? Ah oui, c'est la magie de Noël. La magie de Noël de Corey Hart. C'est quelque chose qu'on vit tout le monde ensemble maintenant. Ah, Corey Hart. Toi, le grand Corey. C'est un beau prénom quand même, Corey, hein? Tu te souviens dans le temps quand tu t'appelais pas Corey? Un jour, peut-être, tu vas t'appeler Corey. Et toi, même si tu ne t'appelles pas Corey, j'ai quelque chose à te montrer. C'est mon ami Duromax. Il est hot, hein? C'est moi pis Giz, hier, on est allé acheter des pruneaux et toutes sortes d'autres victuailles pour le studio et la vie. Et j'ai trouvé un Duromax. J'étais très content. Duromax, c'est un de mes super-héros préférés. Son pouvoir spécial, c'est de faire apparaître des pare-brises. Il paraît qu'au début, il faisait apparaître des tout petits pare-brises. Et puis, ben, avec le temps, il s'est pratiqué et il a été capable c'est une affaire de HP aussi, de MP plutôt, là, les Magic Points. Sinon, ben, vous avez peut-être remarqué, hein, j'ai la barbe un peu plus foncée. On est presque en train de s'en crisser, c'est juste que ça a été utile pour faire un clip que je suis très content d'avoir. J'ai été un acteur extraordinaire, vous allez voir. Hein, Giz? Ouais. Ah ouais, hein? Et sinon, ben voilà, ça va être une nouvelle capsule pour. Voyons, le jeu, c'est sérieux. Je voulais vous parler un petit peu, et puis après ça, j'ai décidé de parler d'autre chose. Puis là, ben, j'ai décidé d'en reparler finalement. Ces temps-ci, ça arrive de plus en plus qu'on a comme des problèmes avec des bien-pensants et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être de plus en plus récurrent. À douteux.tv, on est très content d'offrir une plateforme de diffusion qui est totalement libre à tout le monde de dire ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai la conviction que c'est important de laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Parce que dire, ça fait mal la personne. Genre, tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire. Là, je le dirais pas, là, parce qu'on peut plus, tu sais. On vit dans un monde où maintenant, le monde, ils ont peur des mots. Ils ont peur des mots parce qu'ils pensent que les mots vont amener nécessairement la violence. Comme si, mettons, d'écrire un roman avec un meurtre dedans, ça faisait de toi un meurtrier, tranquillement. On s'en va vers ça. Et ça, c'est une affaire qui me tape vraiment beaucoup sur les nerfs. On l'a vu hier encore avec Gabrois qui a été taxé de quelqu'un de pas correct. Je veux dire, il y a plein de raisons pour trouver Gabrois pas correct. Moi, je le trouve correct, là, ben bon. Et puis, ils ont décidé de focusser sur le fait qu'il avait donné la parole à quelqu'un que les gens considéraient comme quelqu'un qui ne méritait pas la parole. Ben moi, je pense qu'une société en santé, c'est une société qui est capable de donner la parole à ces personnes-là qui, autrement, ne mériteraient pas la parole ou il n'y aurait pas de tribune. Et puis en fait, c'est pas Gabrois qui a fait le plus de publicité à cette personne-là, qui, selon les personnes qui l'avaient invité à leur show, méritait pas la parole. C'est quand ils ont mentionné le nom du gars, et puis qu'ils ont montré les extraits. Le gars, il avait 20 views par clip. Il faisait 2 clips par 2 jours. Je suis pas allé voir dernièrement, mais on vient de mentionner son nom à la télévision nationale, et on a dit que c'était quelqu'un de pas correct qu'il fallait absolument pas suivre. Donc, ça fait quoi des êtres humains dans ce temps-là? Colin, avoir su, je l'aurais signé avec Machinima avant. Esti. Là-dessus, ben, c'est pas la bonne attitude non plus. Bon, on va continuer à 70%. S'il vous plaît, tout le monde, c'est peut-être le fond de la pensée aussi, là. C'est quelque chose que je vais dire en regardant dans celle-là ici, là, gars. Quand t'es choqué, puis offusqué, là, puis que t'es frustré, là, puis que t'es choqué, là, c'est pas un argument. Ça sert à rien, à personne. C'est toi qui vis cette tristesse-là, ce manque de connexion avec l'événement. T'es pas obligé de comprendre ou d'avoir le mot final. Ça va aider personne si t'empêches la personne qui t'a offusqué de continuer à parler. Parce que si parce que t'es offusqué, tu l'empêches de parler, pense-y comment ça va y tenter plus encore de parler pour t'offusquer encore plus. Puis là, après ça, c'est quoi? Faut faire la police pour tout le monde? Faut aller dans l'esprit des gens pour les empêcher de réfléchir à des meurtres? Moi, en tout cas, il y a du monde que j'ai envie de tuer quand que je pense à ces affaires-là. Puis ces personnes-là, là, ben, c'est des affaires qui s'appellent comme censure. Hein? Si c'était quelqu'un censure, moi, j'aurais envie de le tuer. Esti. Fait que là-dessus, on est à 70% pour une autre grosse émission. Stéphanie Gallagher est là avec nous. On va parler sûrement de la foire un petit peu parce que il y a tellement de personnes à remercier. Ça a été un événement fabuleux. Stéphanie Gallagher, comme j'ai mentionné, vient nous parler de records de jeux vidéo. On a Giz qui est là, qui va nous parler de jeux vidéo rétro. On a Bruno Corbin avec des nouvelles un peu plus magiques. On a aussi l'excellent Mathieu Boudreau. Il paraît que ça va très bien cette semaine. J'ai une affaire dans l'oreille. Sinon, ben, c'est le Noël de Corey Hart. Et comme c'est le Noël de Corey Hart et que Julien Bernatché n'est pas avec nous, ben, j'aimerais vous offrir en cadeau son premier clip de Lucky Luke, ce champion de la vie et tout, là, Lucky Luke, mon héros. On va écouter ça doucement. Et puis, bon, on va revenir à 70% avec les nouvelles avec Bruno. Merci tout le monde. Je suis sur le BS, puis je lis des Lucky Luke toute la journée. Je peux facilement lire un, deux, des fois. Moi, mes personnages préférés, c'est Lucky Luke, c'est sûr. Rentre en plan, il est drôle. Jolly Jumper, puis les Dalton. Ouais, les autres, ils font bien rire, surtout Avril. Dans mes choix d'albums, je me considère surtout comme un puriste. J'aime mieux ceux qui ont été faits après la mort de l'auteur. Hein. Je trouve meilleur. Des fois, quand je viens les yeux fatigués, je mets mon doigt sur les bulles. Comme ça m'aide à lire. J'ai jamais vraiment aimé les bancs d'école, tu sais. C'est trop lent pour moi. Moi, j'étais un gars d'action. J'aime ça quand ça bouge. L'école, ça n'a pas été une bonne école pour moi. Mon école, c'est Lucky Luke. C'est certain que j'aimerais ça le rencontrer, mais tu peux pas, hein. Ça fait longtemps, Lucky Luke, il est probablement mort. Des fois, je me mets à penser à ça, puis tu sais, qu'il est Lucky Luke, qu'il soit probablement mort, puis je trouve ça crissement fucké. Mais je pense pas trop longtemps parce que ça me rend vraiment triste. J'aurais des milliers de questions à lui poser. Qu'est-ce qui sert en temps plein? C'est quoi ta bande dessinée préférée? Des milliers de questions. Ils ont fait un film, les Dalton, ça s'appelait. C'était vraiment bon, tu sais, puis c'est plate, tu peux pas rester longtemps à l'affiche. Moi, j'étais tout le temps tout seul dans la salle, je pouvais rire aussi fort que je voulais. Je disais ça sur des forums de discussion sur l'Internet. Il y a des gens qui ont pas bien aimé le film, là. Il y avait pas... qu'il y avait de la magie dans le film. Moi, tu sais, j'ai bien aimé ça, là. Puis on sait pas qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là, tu sais. Quand je dors, je rêve souvent au cowboy. Je rêve d'être aux côtés de mon héros, rentre en plan. Des fois, par exemple, je rêve que je tombe dans le vide, pis ça, j'aime pas ça. Fait que je rallume la lumière, puis je vais lire un Lucky Luke dans les toilettes en vitesse. Ça me calme. Ça me fait chier que j'ai pas le droit d'en prendre plus que 5 à la bibliothèque. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter des Lucky Luke. Je voulais leur écrire une lettre, mais je sais pas écrire. Je sais lire, par exemple. La madame de la bibliothèque, elle... La souris quand elle me voit arriver, t'sais, j'arrive les mains pleines de Lucky Luke. Elle se doit se dire, j'en ai jamais vu autant, t'sais. Je comprends pas, moi je vois rien que des enfants lire ça, t'sais, pis... Pourtant, c'est super bon. Les enfants, je pense que c'est eux qui ont les meilleurs goûts littéraires, on apprend beaucoup d'eux. Lucky Luke, là, il est comme moi. Il tue jamais personne. Il est pas vraiment grand. Alors Halloween, je me déguise tout le temps à Lucky Luke. Ça surprend le monde, tu sais, parce qu'ils se disent, il va se souvenir en Lucky Luke encore cette année. Ben oui. Je vois pas d'un bar, ben. Il fait trop noir pour lire. Non, j'ai pas de blonde pour l'instant. Dur à croire, hein. Non, les filles aiment pas ça ben, lire des Lucky Luke. Ils aiment plus. J'ai jamais vraiment compris les femmes, tu sais. Ils viennent de Mars, puis moi, je viens du Far West. Je suis aussi du hip-hop. À propos de mon héros, de Lucky Luke, une petite toune. Yo man, si t'aimes ça Lucky Luke, fais une taille, t'écoutes ça man. Il vient du Far West, tiens-toi bien les fesses serrées, car le voilà le preux chevalier, tout de jaune vêtu, c'est Lucky Luke. Oh non, attention, voilà des Dalton, Joe, Jack, William et ABRELLE. Ils vont vous dérober de tous vos trésors. Vite Lucky Luke, tire plus vite que ton ombre, arrête ces bandits, sors-nous de la pénombre. Sur le dos de Jolly Jumper, tu n'as pas peur de personne, même pas des Dalton. Fait que c'est ça, je suis rendu là, mais ça n'est pas peur, j'aime bien ça. Je me considère comme Un cowboy des temps modernes, artiste hip-hop. Tu sais, il s'appelle Lucky Luke, mais le vrai chanceux, c'est moi. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Cordon. Que de magie. Alors, on me voit moi derrière et comme vous pouvez le constater, en manchette ce soir, j'ai décidé que je prenais les nouvelles au sérieux maintenant. Alors, j'ai un veston et une cravate et vous en verrez plus de ça parce que je vais laisser mon veston ici. Fait que, à toutes les semaines, je vais porter mon veston et ma cravate. Aussi à la une d'aujourd'hui, donc, c'est Tommy, ça va bien? Ah hey, ouais, excuse-moi, j'essaie de comprendre le nouveau setting. Est-ce qu'on est rendu c'est bon, c'est correct. Tech, man, je vais pas partir mes nouvelles tout de suite tant que t'es pas prêt. Bon, moi, je suis prêt. Même, je vais même mettre ton petit background, là, parce qu'on est en train de voir ta face. Et voilà, on est dans une salle de dans nouvelles. Dans les nouvelles. Hey, puis on commence en prépuce. On commence en prépuce. À la une d'aujourd'hui, une femme israélienne qui, après que son nouveau-né ait eu des problèmes de santé, a décidé de ne jamais le faire circoncire, a été dénoncée par son ex-mari lors des procédures de divorce. La cour religieuse du pays a statué que la femme recevra une amende de 500 shekels, donc environ 150$ par jour, jusqu'à ce qu'elle fasse déprépucer le poupon. 500$ par jour? 150 par jour. La cour affirme qu'elle tient le prépuce de son fils en otage afin de récupérer son mari. La femme n'a pas l'intention de payer l'amende et compte aller en appel à la cour suprême d'Israël. Voilà. OK. Oui. Aïe, ils mettent son con, là! Ah oui, hein? C'est important, la religion, pis ben tu oui, c'est important. Tout, là. Son ex-mari, il en a parlé. Dans et c'est la faute de la femme. Ouh. C'est la femme qui tient le prépuce en otage. Parce que le mari, il veut qu'il soit... C'est ça, c'est pas le mari qui a utilisé ça comme un levier dans une quelconque histoire de couple que ça implique juste eux autres. Non. OK, c'est ça. Eh, sacrament. Je vois vraiment pas de quoi tu parles, Tommy. On commence fort, Bruno. Let's go next. Un homme responsable de quelque chose de mauvais. Je sais pas de quoi tu parles. Le feu qui a détruit une maison historique dans une plantation en Louisiane a été allumé par des chasseurs de fantômes après leur frustration à ne pas avoir trouvé de fantômes sur les lieux. Selon le shérif Jimmy Pullman, 7 hommes âgés entre 17 et 31 ans se sont introduits par infraction dans la maison afin d'y rencontrer des fantômes, puisque la maison est supposément hantée. Après leur échec, ils auraient créé un bûcher au milieu de la maison et l'auraient allumé en créant des dommages estimés à 50 000$, soit toute la maison sauf les 4 cheminées qui restent. Colin. L'alcool aurait eu un rôle dans cet yes. incident. Selon la légende de la maison hantée, l'alcool aurait eu un rôle dans la fin incident. De cette suce mentionnée. Voilà. Eh boy, bravo mon gars. Tout le monde sait que les maisons hantées ne sont pas aux États-Unis non plus. Il y en a quelques-unes. Ben, les maisons, c'est les plantations. Il y a beaucoup d'esclaves qui se sont fait tuer là. Hein. Ah ouais, ils faisaient c'est le sport du dimanche dans le temps. Ouais. Je suis content de... En tout cas. Ah oui, gars, tu vois, il y a la version brûlée ici. Ah, j'avais pas vu, c'est désolé. Ça, c'est de toute beauté. Let's go pour la prochaine. D'accord, alors Larry Bartnett de Jonesboro en Arkansas voulait tuer quelqu'un qui... En tout cas, c'est pas si drôle que ça, là. On est dedans. Qui? L'histoire le dit pas. Ce qu'elle dit, par contre, c'est que la victime potentielle de Bartnett a reçu un appel de lui, jeudi, qui était non intentionnel. En effet, Bartnett aurait fionposé, ça c'est ma version VF de Butt Dialed. Oh, Butt... Fionposé. Fionposé. Aurait fionposé le numéro de sa victime potentielle. T'as mis comment de temps là-dessus? Je suis allé chercher quelques synonymes là, avant de tomber sur le bon. Donc, il aurait fionposé le numéro de sa victime potentielle. aurait passé l'heure vivante à comploter son meurtre en donnant entre autres les indications vers la maison de la victime, affirmant « Je me fous si tu dois brûler la maison avec lui, il faut que ça ait l'air d'un accident ». Bartnett attend toujours son audience pour... Il y a un héros en estime. La culpabilité d'avoir voulu tuer quelqu'un. Ouais. Let's go, you know. D'accord, après avoir volé un camion de livraison de journaux, Garrett Howard Hulbert, un homme de Apple Valley en Californie, a affirmé à la police qu'il avait une excellente raison de le faire. Il se sauvait des zombies. En effet, l'homme de 23 ans aurait volé le camion pour s'arrêter quelques rues plus loin. Là où la police l'a trouvé, il a affirmé qu'il serait tombé du camion alors qu'il se sauvait des morts vivants. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Sérieux, sans alcool, tes chroniques seraient sûrement beaucoup moins longues à chaque semaine. Hey, ça nous amène à la fin de ton premier bloc, ça, d'abord? Certainement. Hey, Chris, merci bien gros, Bruno. Ça fait plaisir. Ça veut dire que là, moi, je m'en reviens ici, je pèse auto, puis je mets la pub de Corey Hart. Ah, on va avoir Stéphanie après. Merci, Bruno. Ça, c'est une belle publicité réelle pour un motel. En fait, c'est comme un slum à louer dans un pays que je me rappelle pas quoi. C'est une manière d'aller passer des belles vacances dans un endroit qui ressemble à quelque chose qui aurait ressemblé à quelque chose qui était utile. Hey, salut Stéphanie. Salut Tommy, comment ça va? Hey, ça brasse en sapristi, c'est à douteux.tv, on est en train de vivre le rêve. Ben, je suis bien contente d'être de retour, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de chronique. Ça faisait au moins un petit bout de temps. Au moins beaucoup de bout de temps. Dans le temps, t'avais les cheveux verts. Oui, là au moins je suis plus invisible. C'est ça. Je reviens de la foire de douteux moi aussi, j'ai eu bien du fun. Ouais, hein? Je suis bien contente. Ouais, j'ai vu une ou deux fois que t'étais en train de sourire, là. Oui, ça m'est arrivé quelques fois. C'est bon, ça paie pas ça. Parlant de quelques fois, aujourd'hui, je parle des records Guinness dans les jeux vidéo. Ah ouais, il y en a de ça? Oui. Puis ce qui est le fun avec les records Guinness, c'est que tout le monde peut être une petite vedette spéciale. On sait que les records Guinness, dans le fond, si on réfléchit à ça comme il faut, c'est un peu le premier qui a dit qu'il avait fait telle chose avec des témoins. On s'entend que... Ouais, ça a commencé. Les premiers records de tout, veut pas, c'est ça. Je me souviens plus du nom de l'émission avec Gaston Lepage. Relever le défi. C'est ça. En faisant cette liste-là, j'avais le goût de me retaper quelques relever le défi. Je me suis retenue. Je vais garder ça comme dessert après l'émission. pour ceux qui sont dans la folie des jeux vidéo, on sait que récemment, il y a eu Grand Theft Auto 5 qui est sorti. Ouais. Je sais pas si tu es un peu fan de jeux vidéo, Tommy, là, pour les jeux vidéo plus récents. Moi, je fais pas trop partie de la catégorie des gens qui vont acheter le jeu quand il sort. Je trouve que le jeu est aussi intéressant 6 mois plus tard et beaucoup moins cher. Bon, c'est une des facettes que je trouve hot chez toi. Merci beaucoup. Aussi, ben, on sait que Grand Theft Auto a battu un record pour le jeu ayant rapporté le plus d'argent en 24 heures. Ah ouais? Hein? Le nouveau qui vient de sortir? À date. À date, il y a le record. Hein? Mettons que si beaucoup de gens avaient attendu puis payé moins cher puis avaient utilisé cet argent-là pour en envoyer dans des pays plus pauvres, on aurait réglé beaucoup de problèmes. Ouais. Ouais, hein? C'est un de mes arguments souvent. Là, on me taxe de démagogique, mais je suis d'accord avec toi. Là, moi, je juge beaucoup de gens, mais je fais aussi beaucoup d'achats justifiés. Comme tes teintures de cheveux. Oui, c'est ça. Ouais. Des vêtements, puis envoyez-donc. Fait que dans ma petite liste de records Guinness, je vais commencer par du surnom Lil Poison. Un jeune homme du prénom Victor, nom de famille De Léon III. J'ai pas investigué pour savoir d'où vient le 3, mais je pense que ça fait vraiment partie de son nom. Il détient le record mondial du plus jeune gamer professionnel au monde. Ah oh boy, hein, il a l'air inoffensif. Hein? Fait que, dans le fond, il était le premier à dire qu'il jouait à des jeux vidéo de façon professionnelle. Il y a des petits accidents ici. Il a signé son premier contrat à l'âge de 6 ans avec Major League Gaming, qui lui a fait détenir le record mondial justement comme le joueur professionnel le plus jeune. Le jeune homme a commencé à jouer aux jeux vidéo à 2 ans. Quand je me dis qu'un jeune homme joue à des jeux vidéo à 2 ans, je sais pas si c'est parce qu'il jouait à électroplancton en mettant ses doigts partout dans un écran. Ouais, c'est si quoi jouer à des jeux vidéo à 2 ans, on sait pas. Hein? C'est ça, fait que ça reste un peu discutable, mais encore là, il était le premier à le dire, fait qu'on va lui donner son crédit quand même. Et voilà. Il y a même eu un documentaire qui a été fait sur le petit garçon. Ben, ça fait peur un peu, là. Ouais. Son père est plus jeune que moi. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que le jeune homme aurait notamment, apparemment, aidé sa famille à ramasser de l'argent parce qu'il n'était pas trop, trop riche. Donc, voilà, c'est déjà rentable. Pas du tout de la manipulation parentale ici. Ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les écouteurs, c'est vraiment de la merde et ça marchait pas. Et j'ai entrepris de les crisser à terre pour qu'ils cassent et qu'on n'aille plus jamais, mais il y avait les couilles de Giz qui étaient dans le chemin. Fais donc attention où tu mets ça, hein? C'est... quand même, t'es pas pire pour garder ma concentration. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu nous parlais de Lil Poison. Ouais, ben là, tu sais, pour m'enchaîner de façon chronologique, on va parler de personnes plus vieilles. Donc, la plus vieille personne à faire des compétitions de jeux vidéo a été Doris Self, qui s'était mérité ce titre-là à l'âge de 58 ans. Ah, sacrifice. Check-la comment elle est contente. Hein? Hein, je vais mettre l'image un petit peu plus gros pour qu'on voie à quel point elle est heureuse. Ben, moi, j'aimerais ça, être encore aussi enthousiaste à propos des jeux vidéo quand je vais être plus vieille. Je me dis que je ne serai sûrement pas la seule, hein? On ira, au lieu d'aller au bingo en gang. Ah, Denis, je te jure qu'on va faire des parties de LAN. Ouais. On va jouer à Donjons et Dragons aussi beaucoup. Moi, c'est un de mes rêves de quand que je vais être. Un de mes plans, en fait. Là. Ouais. Faire du LSD ben, aussi. Plus mieux. Ouais, c'est ça. Ah, on est les foules meilleures. aussi, malheureusement, c'est plate pour la madame, mais elle s'était faite battre par un monsieur de 72 ans. Hein? Oui, fait que là, il était devenu la personne la plus vieille à faire des compétitions de jeux vidéo. C'est comme un vieux qui a vu la vieille, puis il s'est dit, je vais te faire un vieux de la vieille. Mais là, c'est full pas juste. Ouais, c'est ça. Il a fait, je vais m'en faire une compétition, moi, tu vas voir. Fait que, elle était battue, puis là, pour ceux qui connaissent pas le documentaire King of Kong, je vais être honnête, je l'ai pas regardé, mais je m'en suis fait parler souvent, un documentaire sur les jeux vidéo, puis apparemment que cette madame-là elle essaie de regagner son titre de façon féroce dans le documentaire, mais elle réussit pas. Fait que, ça suit surtout les deux qui... Je me rappelle pas. Je l'ai vu 2-3 fois, en plus, ce film-là. Ah ouais, pour vrai? Ouais, je me rappelle pas avoir vu La Vieille, mais je vais checker bien. Ah, OK. Mais elle jouait à Q-Bert. Ah, ben, le jeu de l'année en 1983. Ben oui. Puis c'est ça, justement, avait gagné le record en 84. Cuber garantit un beau petit ici. Ah, Tommy, tu connais bien tes jeux. Ben oui, ouais, ouais, je connais, ouais. Le prochain. Là, c'est une petite devinette. Là, tu vas voir les images, mais il faut que tu fasses à semblant que tu le sais pas. Non, je serais absolument rien rendu ici. Bon. Okay. En 91, l'Américain Richard Heyer de l'Université de Californie à Irvine, on va dire que je le prononce comme il faut, dans le département de psychiatrie et de comportement humain, il a fait une étude où il testait l'influence des jeux sur les fonctions cérébrales. Il s'est rendu compte qu'il y a un très populaire jeu qui augmentait les fonctions cérébrales de façon significative. Tu veux dire que ça faisait le contraire de regarder la TV, mettons? Ouais. OK. C'est un bon exemple. Oui, ça donne un bon. Pour ceux à la maison qui veulent se creuser les méninges, on va donner un bon 0.2 secondes. Un jeu qui rend intelligent, un jeu vidéo qui rend intelligent. Et puis, le premier à être déclaré, c'était, ben oui, Tetris. Et voilà, Tetris. Hey, t'as mis 2 points de robot. Deux morceaux de robot. dans le fond, c'était le premier à se poser la question, moi, je dirais. C'est sûr que c'est officiellement le record Guinness du premier jeu à augmenter les fonctions cérébrales, mais encore là, c'est toujours discutable. Ouais. Tu sais, n'importe quand quoi. C'est dur d'aller avant, même Pong, à un moment donné. Non, ça devait rendre brain dead. Ben, mon opinion, c'est que si tu pratiques quelque chose de façon régulière, tu vas t'améliorer, donc nécessairement, t'aides tes fonctions cérébrales. Et voilà. C'est juste que ça... C'est vrai. Mais une affaire que tu peux t'améliorer nécessairement augmente tes fonctions cérébrales. Mais Tetris, je me rappelle des fois, je jouais tellement qu'avant de m'endormir, je jouais dans ma tête. Ah oui, ça fait ça. J'avais des blocs qui tombaient, je les choisissais pas. Là, il n'y avait pas comme de top, puis rien. Mais je faisais des... Ouais, moi aussi, ça m'avait fait ça. Je pense à Dr. Mario, où quand tu joues à un jeu avec une... un peu comme Guitar Hero, là. Après ça, les murs, ils montent, ils continuent à monter, même si tu regardes plus le jeu, ça brise les fonctions cérébrales, peut-être, des fois aussi. Oui, oui, oui. Ben, en tout cas, les fonctions sociales, des fois aussi. Question de perception. Il y a vraiment l'air taquin, en tout cas, ton docteur. J'ai deux photos ici. Oui. Mais je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait des études, parce que justement, avec toute la vague, la mode, comme quoi les jeux vidéo, ça rend violent, puis blablabla, ah ouais. Bon... il y a au moins des gens qui se sont intéressés à l'aspect un petit peu plus ludique de la chose. Ben oui, ben, l'armée a beaucoup aidé aussi dans les années 80 à repopulariser les jeux vidéo. Ah, pour vrai? Ouais, ouais, ouais. Les premiers Flight Simulator, puis les premiers tests cognitifs et tout. Et puis, ben, de nos jours, on a des pilotes de drones qui sont des jeunes de 18 ans, ces amphétamines qui... En tout cas... Ah ben, il y a toujours des aspects positifs, mais négatifs. Ça me surprend pas. C'est sûr que l'armée a beaucoup de budget, donc... Et voilà. Tiens, je vais te lancer du Romax. Wouhou! Du Romax! Allez, du Robel! Il fait apparaître des pare-brises. Et puis là, il y a des Tetris géants. As-tu parlé de ça déjà? Oui. Donc, justement, on parlait de Tetris. Je voulais parler du plus grand jeu de Tetris au monde. Il a été construit au Rhode Island. Il mesure 105,79 mètres carrés. Il a été utilisé en utilisant un PC qui roule sur Linux, quand même, pour les geeks. C'est quand même le fun. Ben ouais. Ben c'est sûr aussi que c'est sur le building du MIT, fait que ça aide un peu. Là. Mais encore raison. Donc, il fonctionne avec une manette qui fonctionne sur fréquence radio. J'imagine que les Xbox ne se rendaient pas si loin que ça. ils ont utilisé plus de 10 000 lumières de Noël pour faire le jeu dans les fenêtres. Des ça lumières a pris de... plus de 5 mois pour planifier puis installer ça. Des lumières de? Des lumières de Noël. De Noël, j'aime ça, Noël. Oui, c'est un petit clin d'œil à Tommy. Puis j'espère qu'ils n'utilisaient pas les genres de petites lumières que quand il y en a une qui est pétée, les autres éteignent. Les là, autres parce que je pense qu'il y en aurait eu une couple d'impatients dans le batch de c'est programmeurs. Bon, ça. Hey, check ça, la belle image de nuit, toi. Ouh. Tu peux jouer à Tetris pour vrai, en esti. J'ai mis aussi un screenshot. Comment est-ce que ça s'appelle? Ah oui, Tetris, qui est le plus large jeu de Tetris en ligne. Donc, ceux qui veulent aller essayer, j'ai mis une screenshot, mais on voit à peine les petits blocs. C'est vraiment extrêmement large. Juste faire une ligne, ça doit prendre au moins une heure, là, si tu les alignes comme il faut. Ah, OK. Ouais. Je sais pas si tu vois... Non, mais en fait, il marchait pas, celle-là. Ah, OK. Mais ceux qui veulent aller voir, là, c'est le site web gprime.net, /game.php. OK, fait que la barre, à la place d'être 10 cubes de large, est comme 100 cubes de large. Oh, oui. Fait que ton écran, ben, tu vois les cubes tout petits parce qu'il faut que tu les vois. Ben oui, il faut que tu puisses les placer. Wow. Ah, c'est quand même le fun, là, j'ai essayé, mais je... C'est plus le fun de jouer à Tetris. Ouais, même les nouvelles versions, là, que tu peux faire des blocs là, de 4x4. Et, ils n'arrêtent pas d'inventer des nouveaux Tetris. Ouais, en 3D. Ça. Moi, je ne suis pas trop... Ouais, pas 3D, ouais. Par contre. Puis, c'est pas très compétitif. Fait donc, ça, c'était le plus grand jeu de Tetris au monde. Mon coup de cœur des records Guinness. Le premier pays à bannir tous les jeux électroniques au monde a été la Grèce en 2002. Ils ont banni tous les jeux électroniques. Tous les jeux électroniques. Donc, en juillet 2002, le gouvernement est vraiment devenu le premier pays à bannir tous les jeux électroniques. Donc, c'était rendu illégal avec la loi 3037. Tu peux plus jouer à Pac-Man ni à Pong. Non, c'est... À solitaire online, rien. Tu peux pas, c'était mais tu rendu peux jouer à solitaire. Illégal de jouer à des jeux vidéo en Grèce. Puis donc, ça, c'est classé comme record mondial d'être le premier pays à bannir les jeux vidéo. D'être ben, les plus caves à ce niveau-là à date, en tout cas. Mais tu sais, électronique, c'était comme un petit peu plus large, hein, parce que ça englobait, tu sais, mettons, si t'as Windows puis que t'as des mineurs, ben t'es illégal, mettons. C'est quand même, c'est quand même spécial. Tu peux devenir un danger, hein, tout le monde le sait. Oui, puis ce qui est drôle, c'est que bon, ça a été en vigueur pendant 2 mois, parce que probablement qu'il y a quelques personnes qui se sont... plainte de la situation. Ben oui, mais voyons. En plus, t'enfreins la loi tout le temps sans le savoir, là, dans une affaire de même. Puis... Si tu rentres ton NIP puis tu te trompes, t'es-tu en train de jouer à un jeu? Ou si tu joues avec ta TI, est-ce que t'es illégal? Je veux dire, tu vas à l'école puis tu te mets à jouer. Ah, fuck la censure, si j'en parlais en début d'émission, ça me tape ses nerfs, ça. Ouais, ben c'est vrai, on a de la suite dans les idées aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que mettons que tu jouais à My Little Pony Best Friend Balls, ben c'était illégal. Ou, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, les contraventions. Mettons que tu es un touriste puis que tu sais pas. Puis que là, tu dis, bon, ben, je sais pas, j'étais à l'aéroport, je jouais avec mon Game Boy, c'est long, tu sais. Mais là, tu pouvais avoir une contravention variant entre 5 000 et 74 000 $ environ. Donc, ça, c'est en argent américain. Là. What? 5 000 $ parce que tu sors ouais, ton Game Boy. Ça commence à 5 000 $ Et puis. Tu risquais d'aller en prison pour jusqu'à une durée de 12 mois. Donc, j'imagine le dude qui va en prison, tu sais, puis qui parle avec les autres gars en prison. Toi, pourquoi, tu sais, j'ai fait telle affaire, toi, ben, j'ai joué au Game Boy. T'as-tu droit à ta 3DS en prison? Ça apprécie, hein? Non, tu peux pas amener ta 3DS. C'est comme, tu peux pas poignarder du monde en prison non plus, là, même si t'es en prison pour avoir poignardé quelqu'un. Dans Unité 9, ils le font. Dans Unité 9, ils le font tout le temps, mais c'est pas la même affaire. Ben là, ça compte pas. Puis c'est drôle parce que tu disais tantôt que l'armée s'était beaucoup servi des jeux vidéo, fait est-ce que ça veut dire que l'armée était rendue illégale parce que il y a des flight simulators? Je sais pas. On sait pas. L'armée, c'est jamais illégal. Il y a beaucoup de choses qui se contredisent, mais j'ai trouvé ça... bien intéressant de me questionner à ce sujet-là. Ben oui, c'est de la grosse nouvelle, ça. Merci. Là, tu dis que ça a duré 2 mois, faut que c'est fini. Oui, ben là, ça a duré 2 mois, puis là, finalement, ils ont interdit les jeux dans lesquels tu pouvais gagner de l'argent, finalement. Ah, ben là, OK. Hein? C'est... Fait que là, dans le fond, c'est une mesure pour éviter le gambling. Fait que jouer à My Little Pony, ça pourrait inciter les jeunes à faire du gambling. Hey, mettons, cooking exemple, maman. Hein? Puis, pour terminer, j'ai une bonne nouvelle, parce que on a des témoins, là, c'est télévisé. Je suis la première personne au monde à parler de records Guinness dans les jeux vidéo à l'émission 70% un 2 décembre. On fête ça. Pour vrai? Ben, je suis la première à le dire, fait que... C'est vrai. Le contraire. À date, c'est toi l'expert. Hein? À moi la gloire. Excellent, ça me va totalement. Merci Stéphanie. Merci. Ouais, t'es belle avec des cheveux. Hey, là-dessus, on s'en va écouter parce que cette semaine, on était en l'année 2006, j'avais offert le choix entre Ultraviolet, qui est un film avec des vampires douchebags, pédants, fraîchiers, avec des lunettes de soleil. avec le nombril de Mila Jovovich, des effets spéciaux qui ont vraiment pas rapport, ou le film qui a été voté, en fait, qui a gagné, c'est Lasco, le train de la mort, une espèce de Die Hard allemand, très, très, très... Le réalisateur s'appelle Dieter Hard. Je trouve ça drôle que Dieter Hard, l'allemand, ait fait une espèce de pastiche de Die Hard. Donc, pour pas vous laisser sur votre soif, les nombreux qui ont voté, parce que cette semaine, on a eu beaucoup de votes, les nombreux qui ont dû voter pour le très, très, très pédant et fraîchi, hein, on voit ici des images de ultraviolet. Ben, je vous ai mis quelques bouts que j'ai découpés de ultraviolet la dernière fois que je l'ai écouté. Merci Stéphanie, tu reviens nous voir. Merci, quand Tommy. Tu veux. On est à 70%, on écoute quelques bouts d'ultraviolet. Et ensuite, ben, on vient avec... moi, je dis que ça va être Boudreau. Ou Giz, là, on va lui demander de ça. Check ça, les fraîchis qui rendent le... On sent Chris, là, vers Serrella, à votre épée, puis vous... Ah ouais, 70%. XPD 154, êtes-vous opérationnel? Pourquoi cette question, camarade docteur? Je suis opérationnel à 100%. Et vous venez de le voir, c'est Giz qui a gagné à plate couture. Là-dessus, on a une autre séquence. C'est vraiment juste pour les yeux. Là, il y a le nombril. Puis là, elle utilise son antigrave et ça devient... Elle flippe au plafond. Il n'y a plus personne qui fait rien. Elle regarde aller. Ils se font toutes flinguer d'une salve. Incroyable. C'est de l'histoire ancienne, ça. Vous ne sortirez pas avec cette mallette. Donc, ça va être la petite dernière séquence de Ultraviolet avant qu'on passe à Giz, qui a l'air d'être en feu. Il vient le boost de la victoire. Mâle alpha, tout de limite. Elle est sur le plafond! Tirez! Tirez! Salut Tommy. Hey, salut Giz. Ça va? Hey, ça va, Nasty, man. Ok. Non, vas-y. Excellent. Hey, écoute, aujourd'hui, j'ai décidé de continuer dans la même ligne que la semaine dernière. Des jeux qui, comme Grand Theft Auto 5, ont choqué lors de leur sortie, de leur époque respective. Aujourd'hui, on va toucher un jeu qui est... Ça me dépasse. Pour vrai, là, je sais pas c'est quoi le public cible. C'est un peu comme le monde qui aime ça se mettre des pieds dans la bouche. Je peux pas comprendre, je suis pas dans leur gang. Fait que regarde, une vidéo vaut 1000 commentaires. Fait que on y va. On va regarder un jeu qui s'appelle Beat 'em and Eat Them. Okay. Qui veut dire, traduction libre, branle-les, crosse-les, puis bouffe ce qui sort. Yeah. On est à 70%. Ça me rappelle une bonne salade que j'ai mangée dans un resto. Alors, voilà, comme tous les jeux de Atari, on sait pas trop quand ça commence. Alors, on a le chiffre 0, donc qui est 0... 0 shot de goutte qu'on a attrapé. Alors, en fait, ça, c'est la version Philly Flasher. Donc, c'était, ça se posait de la version, c'est pas grave. Donc, dans ce là, on est une... On est deux gars avec des pénis sortis qui attrapent le lait qui sort par les seins d'une espèce de sorcière. Chaque fois que les gouttes touchent au sol, eh bien, on perd une vie, comme dans la vraie vie. Ouais. Je sais pas c'est qui que ça excite. Ben, moi, en fait. Hey. Donc, je suis rendu à 15 gouttes de lait d'espèce de sorcière. Oh, et mieux, ah, c'est bon, voilà. Ouais, c'est ça, il y a un espèce de moment de où est-ce que eux-mêmes se touchent. Ben oui, parce qu'ils ont du plaisir à un moment donné. Oui. Toute déviance finit par une jouissance quelconque, je crois. On salue nos parents. Ouais, c'est salut maman. Donc voilà, je suis game over. J'ai réussi à avaler 22 shots de sorcière. Donc voilà, donc pour vous, mesdames qui êtes choquées parce que tu sais c'est un peu sexiste, ben évidemment l'inverse existe. Donc on va passer à l'inverse. On se lance dans l'inverse. La la la la au rendez-vous. À l'inverse. Oups. Yeah, bon, ça on va bien. Être à l'inverse là, ça sera pas long. Ah non, ça a l'air d'être la même c'est... affaire. Oh, est-ce qu'on a pris deux fois la même vidéo? Ça a l'air d'être ça, mon gars. Des choses qui arrivent. non. En fait, l'autre jeu, c'était supposé être un bonhomme avec une espèce de pénis Atari démesuré qui, lui, envoyait du sperme avec deux filles avec la bouche ouverte qui faisaient des menoum-menoum. Ah, déjà, c'est bien mieux. Mais ouais. Dans l'autre... Mais parle un petit peu, je vais aller le chercher, là, je m'excuse. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment traumatisé dans l'autre, c'est que sur la pochette du jeu, en arrière, dans le descriptif, c'était écrit... « Don't lose any drop », donc ne perdez pas une seule goutte. Après tout, ça aurait pu être un avocat ou un docteur. Parce que, tu sais, ben avaler du sperme, ça sauve des vies. Ouais, tu sais, oui, des futurs nés. Oui, oui. On sait que ça marche de même. C'est du gaspillage de nutriments. Ah, voilà. On est-tu en train d'avoir l'autre version? Ouais, ouais, ça sent bien. Ça, c'est les moules, tu sais. Je vais reculer elle un petit peu. Oui, parce qu'on n'a pas encore... Ah ouais, non, mais ça, on n'a pas encore compris. J'ai pas compris, donc, comment ça fonctionne. Moi, en fait, je me demande surtout, ça doit faire mal au cou à longue, hein, faire ça? Mais c'est la magie de Atari, hein? Ouais. Déjà, c'est réussir, pas des vraies personnes qu'il y a dans l'écran. Ouais. C'est ça la magie. Ça se peut pas deux personnes qui bougent exactement en même temps pour essayer d'attraper des choses avec leur bouche. Ouais, puis c'est pas mal synchro comme un banc de poisson, là. Ouais. Ça nous amène, bien entendu. Ah, voilà. Ah, là, c'est oh boy! Beaucoup... Là, on a plus l'air d'un pénis canon. Tu sais, on voit, c'est comme... C'est le rêve de tous les hommes, hein. Ah ouais, hein. Genre de devenir en petite goutte de même depuis le top d'un building. Ouais, ouais, ben oui. Puis qu'il y ait deux filles pareilles qui... C'est pas de l'inceste couché avec des jumelles. Non. Je veux pas essayer de faire l'analyse de ma sexualité, mais étrangement, dans la version où t'es des filles qui attrapent du sperme, j'ai eu un meilleur score. Ah! Étrangement. J'ai essayé de m'arrêter puis de me dire lequel qui était le plus viril ou le plus mâle, puis je vais vous laisser le choix parce que je suis pas encore sûr. Ouais. Ben moi, je pense que des pixels, c'est très, très, c'est très viril. Tout le temps bien viril. Hein. Moi, la question que je me pose aussi, c'est... Il me semble qu'on l'entend vraiment souvent, cette toune-là. Shaving a haircut, two bits, là. Vous saviez pas que cette toune-là avait un titre? Non. Shaving a haircut, two bits. Non. C'est-tu que t'en sais des affaires, Bruno? Fait que je me dis, ça doit être libre de droit, cette toune-là.

qui tombe dans le sol. Shave and a haircut. Two bits. J'aime ça, man. Oh, hey, oh, hey, ouais, c'est... Il y a jamais comme de d'autres bouts dans le jeu. T'avales la dèche puis tu gagnes des points. Oh! Hey, ça, c'est le bout hot. Parlant de. Quand t'as trop utilisé ton. Ouais, il vient rouge. Colin, hein? Puis, t'as-tu quelque chose à rajouter pendant que Noël est rouge? Je regrette d'avoir choisi ça. Mais c'est le mois de Noël qui commence, et le mois de Noël, c'est le mois du pardon et de donner. Et c'est ce que j'avais le goût. D'autres affaires. Puis, il est quelle couleur ce mois-là? Le mois de Noël, il est de quelle couleur? Ah, on va écouter le clip des chats. Merci bien gros, Giz. On est à 70%. On devient meilleur à chaque fois. Et on est très content de remercier nos chroniqueurs. J'ai plus de barbe, c'est pour ça que j'ai perdu la magie. Ben oui, Tintin, c'est ça. Ta gueule, capitaine. Garfield sweatshirts are no longer cute. Your mother says you'll never find a man. You think the Ninja Cat is your boyfriend. Now they've taken complete control. I can have cheeseburger, I can have your soul. While you sit in LOL, their furry paws drag you to hell. Non, enfin, ça va pas, Mathieu? T'as pogné une mauvaise grippe? Ben ouais, je sais pas si je t'allais faire. Moi, j'ai fini les saunogues. Non, cette semaine, ça va mollo, là. Je suis comme tout retourné. J'ai des émotions, tu sais, hein? Ouais. T'sais, du vieux passé, de la colère. On dirait que j'ai mangé chez McDo. Oh. Tu sais, t'es sur le point d'être malade en sachant très bien que tu le seras pas. C'est un peu comme ça que je me sens. J'ai eu une révélation, Tommy. Raconte-moi ça, man. Ben, c'est mon fils là qui m'a révélé cette affaire-là, hein, naturellement. Déjà, moi, avoir une réflexion, c'est pas évident. Hein? parfois un point de vue, mais rarement plus que ce qui m'a rentré dedans. Hein? Je m'informe un peu, là, mais j'ai pas le temps. Fait qu'habituellement, ben, j'y vais avec la majorité. Comme ça, on n'a pas besoin personne de faire quoi que ce soit. Puis on peut continuer à aller travailler puis s'acheter des affaires. Hein. Bref, je suis un homme de mon temps. Hein? Non, mais c'est important. Là. Mais ça, c'est le plus étrange là, de ma révélation. C'est que ça s'est passé à la TV, tu sais. Bon, ben, t'en as, là, des révélations à la TV, là, mais c'est plus de l'ordre de « il te faut un char, les frigidaires sont en spécial, puis je fourrais cette actrice-là », tu sais. Rien qui dérange l'ordre du mystique, t'sais. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Fait que j'étais assis avec Fiston, là, comme d'habitude. On avait un 2 litres de Pepsi, des crottes de fromage, puis une grosse doudou, là, pour nous emmitoufler. Puis ça, ben, c'est notre petit moment TV de la semaine, là, hein, à tous les dimanches, à 8 heures, comme la majorité du gratin québécois, ben, on écoute de la porn. De la grosse porn sale. Puis là, je ne sais pas si c'est parce que, parfois, la vie nous envoie un signe, ou si c'est parce que la scène de lesbienne venait d'embarquer trois charmants jeunes hommes, mais mon fils a accroché la manette de la TV, tu sais. Qui pourtant était très loin de lui, là. Vite de même, je te dirais deux coups de pied et demi. Quand même, tu sais. C'est sac les mesures impériales. C'est ça, tu sais. Il y a un signe, tu sais. Il y a de quoi. Bout de vierge, on est tombé si tout le monde en parle, tu sais. Tu débandes, là. Mettons, mon père il disait pitonné, signe de santé, hein? Accroche. Il disait pitonné, signe de santé, accrocher un piton, signe de tension. Bon. C'est sûr, lui, il parlait de sa relation avec les femmes, mais ça s'applique à ça aussi, tu sais. On amalgame, là. On est tombé sur l'entrevue de Gab Roy, Simon Jodoin puis Mathieu Saint-Onge. Ça s'appelle comme ça, une entrevue? Ouais, ben en tout cas, tu sais, on va amalgamer, là. Ouais, ouais, on te suit. Terrorisé, hein? Terrorisé, c'est le mot. Moi, je suis immunisé, là, contre cette merde-là. Là. J'en ai vu, mais cet enfant-là, tu sais, t'aurais dû y voir les yeux. Ça a 9 ans, puis il montrait autant de vulgarité. Bon, ouais. Il était pas prêt. Ouais. En passant, le mot, hein, le mot vulgaire, hein, ça veut dire qui est commun. C'est comme ça. Quand on l'emploie pour quelque chose de déplacé ou inacceptable, ça me fait chier. On se trompe. C'est comme ça. Voilà. Qui est commun. Ça veut dire que hier soir, ce qu'on a vu à TV, c'était commun en baptême. Et si, moi. Je te dis, en plein milieu de l'amalgame, mon fils pétrifié, là, il se retourne vers moi et il me dit « Papa, papa, pourquoi que les gens lancent des roches de mots aux gentils barbus, aux génies timides puis aux gros cas avec des lunettes? Ils font des téléphones arabes avec tout ce qui se dit parce qu'ils prennent tout ce qui se dit trop personnel. » Bon, hein? Comment tu veux réagir en tant que père devant l'évolution, tu sais, le future? Moi, j'étais en train de triper bien raide devant le gros qui essayait de se défendre devant un tollé d'insultes au nom de la liberté d'expression. Hey, mon gars, j'avais une main dans le bol de chips puis l'autre main dans les culottes sur une semi-dure qui s'en venait bien en baptême. Moi, là, de tout temps, j'ai adoré ça, la lapidation, que ce soit hein, en roche ou en mots. En insurrection, ben esti catharsis. C'est comme ça. Catharsis, remise en question, définition d'un langage des c'est ça, catharsis. Tabarnak. Quand c'est intéressant, Simon Jodoin, hein, qui était un homme, disait que lui il était un homme. Disait que les vlogueurs puis l'interweb, ça avait aussi quelque chose à dire aux gens, tu sais, comme les mouvements qui sont venus, tu sais, puis qu'on connaissait pas ça au début, mais là, tu sais, finalement, on a appris quelque chose, comme le mouvement punk qui en parlait. Tout. Je me suis mis à me dire, je crois sincèrement à l'intelligence humaine, tu sais. Puis, je le sais, je suis naïf. Je crois aussi à la capacité de distinguer les choses. Donc, clairement, je suis naïf. Clairement, je suis un enfant. Je crois que le message que cette génération-là a à offrir au monde, hein, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont capables de raisonnement personnel. T'sais? Un raisonnement personnel. T'es là, t'entends quelque chose, t'entends une atrocité et t'es capable, avec ton cerveau, de développer l'idée que c'est une atrocité. T'sais? Et... Oh, je suis naïf. Puis là, je te parle pas d'opinion, là, je te parle de valeur. T'sais? Papa! Papa, ça veut-tu dire que je peux dire non quand je suis pas d'accord? Oui. Oui, fiston, c'est ça que ça veut dire. Ouais. T'as le droit de dire non. Je t'aime. Astor va jouer avec tes couteaux, là, papa. Il faut qu'il finisse d'halluciner sa vérité. Mon père, il disait, hein, toute vérité franchit trois étapes. Hein? Il disait, on la ridiculise, on s'y oppose pour finalement l'accepter. Ce qui confirme que tu peux avoir lu Schopenhauer puis rien avoir compris. Hein? Cependant, Chopin, pour les intimes, Chopin, il avait compris, lui, au même titre que Nietzsche, Jésus puis Spider-Man, que dans la vie, il faut toujours se remettre en question. T'sais? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avoue à tous et à toutes, je doute. Bah, constamment, je doute. Moi, quand j'entends quelqu'un comme un Dominique Pelletier là, pour cracher du vomi, tu sais, ben, je suis heureux. Ben oui, je suis crissement content. Je veux en savoir plus. J'écoute ce qu'il dit. Je suis fasciné. Je me dis, check l'hostie d'épais d'homme des cavernes, jamais sorti l'hiver. J'espère qu'un jour, ce gars-là, je vais l'avoir en face de moi puis que je vais pouvoir lui dire, tu sais, ce que tu me dis dans ma société, dans mes valeurs à moi, ça marche pas. Ça s'appelle, tu sais, des valeurs, tu sais, ça s'appelle avoir des culottes, tu sais, puis ça, tu sais, t'as le droit, là, de le dire dans ta vie, tu sais. Puis, ça tombe bien avec la charte qui vient de passer, tu sais, tout ça. Sache, toi, à la maison, que dans les sociétés occidentales, le voile existe, mais il est invisible et il s'appelle liberté d'expression. Papa, je peux-tu dire mon opinion? T'as-tu de l'argent? T'es-tu noir, gay, handicapé? T'es-tu une femme? Non? Bon. Ben, écris ce que tu penses sur le petit papier, écris ça dans la boîte à suggestions, pis sac ton camp dans ta chambre, réfléchir à ton comportement. Il y a un problème fondamental là, dans notre post-11 septembre. C'est notre incapacité à entendre les gens. Hein? On fait constamment ce qu'on appelle le téléphone arabe. Hein? On connaît tout ce jeu-là, là, c'est pas compliqué. Là. Si tu dis une phrase, là, tu la répètes à l'autre de bouche à oreille, hein, puis après ça, ben on rit parce que bon, la dernière phrase, la phrase est supposée d'être la même qu'en premier, puis finalement, ben c'est pas la même qu'en premier. T'sais, j'ai un exemple ici. On disait Martine mange des bananes volées, puis là, rendu à la fin, c'était Martine mange des volées, puis c'est banal. Bon, l'exemple est pas top, là, mais. quand même! Quand Gab Roy parlait d'une chose, hein, il se faisait interrompre sans arrêt, il n'avait pas le droit de dire ce qu'il voulait dire, puis rendu l'autre côté du plateau, et là je parle du plateau de la télé, c'est bien important, ben c'était rendu complètement autre chose. Ce que je dis, c'est que le monde, on peur des mots, tu sais, on peut rien dire parce que la réflexion, les différents points de vue, puis la confrontation des idées, ben ça n'existe plus, c'est comme ça. Bon, sincèrement, là, aujourd'hui, ceux qui réfléchissent, ils passent à travers les mailles du système de surveillance de la fausse pudeur. On ne sait trop comment. Puis généralement, ben, ils vont passer leur vie à se demander pourquoi ils souffrent d'avoir grandi dans un monde formaté. Tu sais, quand la madame a dit qu'on leur donne de l'importance à ces fous-là, ben, elle a tort. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Hein? C'est quoi, là? Elle est en train de me dire que tout le monde qui passe à la TV sont importants? Ben... C'est une erreur. Hein, je suis désolé. T'as le droit d'avoir quelque chose à dire. T'sais? C'est juste ça. T'sais? Quand on a accès à des gens qui ont l'audace de ne pas aller avec le consensus, hein, on devrait se considérer chanceux. C'est une chance d'assumer qu'on n'est pas d'accord. Il n'y a rien de dangereux avec ça. J'en reviens à Schopenhauer. T'sais, on va se foutre de ta gueule, on va arrêter de te parler parce que t'as pas d'allure, puis après ça, ben, tu vas rester tout seul ou avec deux, trois de tes stupides. Puis, ou, encore mieux, ben, tu vas te résigner à avoir un regard sur toi-même. Mais je le sais, c'est pas facile, un regard sur soi-même. Non, non, non. Je suis naïf. Hein? Oh oui, puis, tu vas réaliser finalement que ton point de vue, mais il est crissement erroné, puis quelque part, ça va faire partie de ce qu'on appelle l'évolution. Et voilà, l'évolution ne se passe pas seulement en un milliard d'années, mais bien des fois en quelques secondes. Ben non, là. Bon, Chris, là, je sais que tout le monde est trop pointu, puis qu'ils sont pas capables de rien se dire, puis qu'ils préféreraient brûler tout au complet qu'avoir des culottes, là. C'est évident. Fait que, bref, bravo Simon Jodoin, hein. Ça, c'est un gars, il est intéressant, tu sais. C'est un pionnier. T'sais. Lui, il a décidé de coller deux mondes ensemble, tu sais. Je trippe pas trop sur le mot trouble, par exemple. Ça fait un peu préadolescent, rebelle et boutonneux. Ben, moi, je suis clairement pas le public cible. Je te dirais que je ressemble plus comme à une flèche dans le carquois, si tu veux mon avis, tu sais. Mais bon, ça me regarde. Bravo Mathieu Saint-Onge pour l'ensemble de ton œuvre. Je sais pas, en passant, y a-tu quelqu'un qui a remarqué ou c'est juste moi que Mathieu Saint-Onge, y a personne qui a rien de négatif à dire sur ce gars-là? Ouais, c'est quoi son hostie de problème? C'est vrai, hein? Maudit. Comment ça qu'on a rien de négatif à dire sur Mathieu Saint-Onge? Mathieu, Hier, ils nous ont passé un petit 30 secondes qui venait d'une carrière de plusieurs heures et on a eu un jugement qui était définitif tout le monde et qui était très, très calculé. C'est vrai, c'était assez... J'aimais ça qu'il passe aussi juste après les madames qui avaient souffert pour la souffrance. Ben ça, c'est quelque chose que j'aimerais ajouter peut-être. Hein, les madames qui ont souffert, là, moi, j'écoute, là, regarde, tu sais, c'est fucked up, là, tu sais, Tu peux pas aller contre la vertu, tu sais. Sauf que la madame, elle avait pas compris ce qui se passait non plus, tu sais. C'était deux choses complètement différentes. Faut faire attention avec l'amalgame, tu sais. C'est coller les affaires ensemble de même, ça peut faire ça. Puis pour Gab Roy, ben, tu sais, Gab, c'est un peu un cas particulier, tu sais. Une espèce de dédoublement de la personnalité, là, tu sais. Des fois, il est censé clair et pertinent, puis le blog d'après, ben, il est tout croche, rempli de préjugés, puis il dépasse de partout. Fait que, bref, je dirais, on sème, on récolte ce qu'on sème. Ça, c'est vrai. J'irais avec ça. Moi, j'aime tout le monde, je suis naïf. Fait qu'en terminant, j'ai pas de vérité, hein, c'est n'importe quoi. Je ne suis pas plus important qu'un autre, mais je sais une chose, douter m'a rendu plus intelligent. OK? Alors, merci, hein, merci au doute d'être sur ma route. Hein? Papa! Papa, je comprends pas toute ta chronique. Ben, c'est pas grave, mon fils, là. Moi non plus, tu sais. Viens. Ah ouais, viens. On va aller lancer des roches sur les quêteux. Merci Mathieu. Drôle de nuit. Est-ce que t'aimes ça Noël? Moi Noël, je suis un fan fini. Fini? J'ai une toune ici, c'est Normal Amour qui nous a fait une toune sur les boules de Noël. Bah oui. Mais... Joyeux Noël Mathieu, joyeux Noël de Corey Hart à ton fils aussi. On est à 70%, on revient finir l'émission avec Bruno en nouvelles. Merci d'avoir dit beaucoup d'affaires que j'avais envie de dire puis que tentais pas d'écrire. Je les ai dit tout croche avec plaisir, Tommy. C'était parfait, ça va bien vieillir. Les boules de Noël sont bien belles ce soir. Elles brillent dans l'arbre de Noël. Les cadeaux bien enveloppés dessous l'arbre n'attendent qu'à se faire développer. On a tous hâte de voir ce qu'il y a dedans. La curiosité nous gagne. On ne sait pas qui aura le plus gros. Les boîtes si bien enveloppées formant les couleurs de l'arc-en-ciel sous l'arbre. On a su si bien je l'ai placé on a how qu'on se les fasse distribuer. Mais auparavant, on doit bavarder un peu. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis, tous attablés à la table, si bien nappés, une belle nappe rouge feu. Et puis, quelle senteur qui nous vient du four ouvert. On y voit une belle dinde si bien dorée. Et puis sur la table, on est venu la placer avec un grand couteau, en train de la dépecer. Dans chaque assiette, une belle grosse tranche. Et puis, pour les cuisses, on ne se fait pas prier. La sauce et les attaquas, on y a placé. Et puis on nous dit, vous n'avez qu'à vous servir les olives et les cornichons, les betteraves, les petits oignons sont dans les plats. Il y a aussi les radis et le céleri. Il n'y a rien qui manque. C'est si bon, c'est si bon. C'est si bon. À Noël. À Noël. Fin, fin, fin, fin. Salut Bruno. Ah, salut. Hey, puis. On va finir ça avec des nouvelles. Des nouvelles, s'il te plaît, Bruno. D'accord. Amène-nous dans le monde de l'univers. Attends, check bien ça, check bien que je vais faire du Canada dans le suite. Ok, attends un petit peu. C'est bon? Ok. Et. Oh oui. Oh oui. Oh, on s'en vient bon, on s'en vient bon. Alors, ben écoute, c'est la première fois, là. Oui. Après... Là, c'est l'affaire du clown, là. Oui. Okay. Oui, c'est ça, voilà. Alors, j'entends un feedback. Oui, oui, t'as raison. Il y en a plus, c'est bon. Après plusieurs incidents impliquant des clowns, la police de Newfork en Angleterre a demandé à ses incidents impliquant des clowns. La police de Newfork en Angleterre a demandé à ses citoyens d'ignorer les terrifiants bouffons afin qu'ils partent de leur bon parti. En effet, deux citoyens alarmés ont appelé la police deux nuits de suite, affirmant avoir fait un maudit saut quand des clowns ont agi de façon menaçante envers eux. Le chef de police affirme que les incidents n'ont causé aucune blessure. Fait que c'est... Attends, la je nouvelle... Je sais pas pourquoi je suis au courant de cette nouvelle-là. La nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y a du monde qui se déguise en clown, puis il y a du monde qui aime pas ça, le monde qui sont en clown. Fait qu'il faut les ignorer pour qu'ils partent. À Newfolk en Angleterre. Asti de calice, mon gars, j'adore ça. J'adore ça, notre job est fabuleux. Une chance qu'en... mettons que je ferais ça bénévole, là, je le ferais pareil. Même affaire. Excellent, excellent. Let's go next. Maurice Owens a intenté une poursuite de 15 000 $ au système de transport en commun de Washington, D.C. après avoir glissé sur une peau de banane en sortant de l'ascenseur d'une des stations de métro. Après vérification d'une caméra de surveillance, il est évident que l'homme a déposé lui-même la peau de banane afin de glisser dessus et de poursuivre la compagnie. Son plan gargamelesque n'ayant pas fonctionné, l'homme est maintenant poursuivi pour fraude. Me semble, quand t'es cave à aller faire une affaire de même, tu te pognes un allié puis tu lui demandes d'aller... On sais, genre synchroniser nos montres, juste faire ça une fois, là, on synchronise nos montres, là. Ça... Je le sais pas, Tommy, puis sais-tu quoi? Je le sais pas. Dans deux caméras. Dans deux caméras. Excellent. Là, je te ramène à l'autre. Oui, s'il te plaît. Y'a rule, man. OK, let's go pour la prochaine. Le Ku Klux Klan a cours d'idées? Jamais. Leur nouvelle stratégie, recruter des gens en distribuant des pamphlets dans les quartiers en prédominance afro-américaine et hispanique. Plusieurs de ces quartiers floridiens ont été bombardés de pamphlets avec le slogan « Our race, our nation », « Notre race, notre nation » ou « Notre course, notre nation », je suis pas sûr. Informe ses lecteurs de la procédure à suivre pour rejoindre le groupe de la Caroline du Nord. Robert Jones, leader du KKK, affirme qu'aucun intérêt de joindre le clan ne s'est pas senti. Il y a un leader de ça? Ben oui. Mais c'est pas illégal, c'est la haine, c'est illégal. Non. OK, ils veulent juste tuer toutes les... Non, ils veulent pas les tuer. Ils veulent les déporter. Ils veulent plus qu'ils soient là. On prendra les moyens qu'on prendra. Ils disent pas comment. Tant nécessairement. Qu'il y a plus... Pas tout OK, le temps. C'est bon. Ça dépend. Est-ce qu'eux autres, ils ont le droit de dire le mot nègre? Les gars du Ku Klux Klan, ils ont pas ben, le droit. Ben, ils ont le privilège. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ah, tiens, il y en a un autre avec le pamphlet. C'est super beau. Puis, tu sais, ils ont le même saut que v'là 180 ans. Oh, genre. Non, mais on change pas un classique, Tommy. Non, non, c'est ça. Tu changes pas de goaler s'il gagne. C'est ça. Let's go next. D'accord, alors, dernière nouvelle. Après une soirée bien arrosée et s'être ramassé une fille, Benjamin Doddles, 41 ans, s'est fait réveiller par sa conquête qui ronflait comme un train. N'arrivant pas à réveiller sa date, l'homme, toujours intoxiqué, a décidé d'appeler le 911 afin de les informer de la situation et de leur demander de venir sortir la femme de son lit. Arrivé sur les lieux, la police a confirmé que la femme avait été invitée par Doddles à coucher chez lui et l'a donc informé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de police. Leur lui a montré son divan parce que ça allait être plus confortable que son lit, semble-t-il, et leur ont fortement conseillé de régler ça demain matin. Pis ça, c'était dans les nouvelles. Mes taxes! Mon dodo! Asti de calice! Génial, Bruno! Génial, tu sais. Depuis le début, c'est toi ma chronique préférée. Calice de tabarnak! Okay. Je pars un clip. On a fini 70%. Le gars, il est impliqué à la police. Reste en onde, on va parler du film de ce soir, Lasco, le train de la mort, dans quelques instants. Merci beaucoup à Giz, vraiment, merci beaucoup à Giz. Désolé pour tes chenolles encore, buddy. Merci à Bruno. Va chier, Bruno. Merci à Mathieu d'avoir dit ce que tout le monde pensait tout bas, il l'a dit tout haut. Merci aussi à Stéphanie de s'être déplacée, elle a dit qu'on va la voir plus souvent, on est content. Et puis, j'oublie quelqu'un encore. Non, j'oublie personne. Merci à Duromax pour faire des pare-brises. Là-dessus, on écoute Trololo Rainbow Road. Et puis, on parle juste après du film de cette semaine. Merci.